Je m'en remets à vous, toute ma vie, je vous l'avoue. Ne cherche pas à tirer, simplement me libérer. Chanter à l'aller. Là y aller. Je vous laisse en penser ce que vous désirez. J'ai peut-être tort pour vous, mais toute ma vie, je vous l'avoue. Je vous laisse, moi je pars où j'ai déjà été. Écoutez-moi cette fois, je veux tout vous raconter. Et chanter à l'aller. Y'a y aller. Là y aller. Je me perds dans le brouillard et je souris au soleil. Des écrits au hasard de la vie, des misères aux merveilles. Écoutons-nous un peu, au lieu de nous maudire. Tant de gens, tant de fous, ont tant de choses à dire. Et chanter à l'aller. Y'a long, quitte à prendre la chance, on offre sa raison. Ne me demandez pas d'être toujours joyeux. Les reflets de nos âmes sont parfois malheureux. Venez donc partager vos idées, vos discours. L'horizontalité vous écoutera tous. Et sans importance, sans priorité, nous pourrons rendre compte notre diversité et chanter à l'aller.